Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Dé au micro. Alors aujourd'hui, pas d'actu pour Donjons et Dragons, c'est toujours en stand-by. C'est en stand-by jusqu'à ce qu'on puisse jouer en réel, donc ça va pas être pour tout de suite, je pense. Par contre, notre campagne masque est prête à prendre son envol. Nous avons fini la création d'équipe, et la prochaine fois, nous ferons la première séance de la campagne. Alors je dis campagne, mais j'ai pas trop d'idées encore sur... En quoi elle va consister. Même la première séance, j'ai pas trop d'idées encore pour la première séance. On joue dans une quinzaine de jours, j'ai le temps de réfléchir. Et puis le livre de règles de Masque a des guides à la fin sur les thématiques à utiliser dans le jeu de super-héros et qui fonctionne bien à Masque, avec des sous-types et... des conseils sur comment mettre en place les types utilisés. Donc je pense que je vais me baser là-dessus. Je commence à avoir une sorte de casting de super méchants à utiliser. Donc au début, on fera peut-être du Monster of the Week. Et ça nous permettra de roder un peu le groupe avant d'aller dans des machinations ou des petits complots. Alors concrètement... je pense qu'on va utiliser Skype pour la discussion. Mes joueurs préfèrent avoir les vidéos que simplement l'audio. Et on a essayé une plateforme vidéo ce week-end pour la fin de la préparation de l'équipe. Et ça n'a pas bien marché, donc on va retourner sur Skype, ça sera plus simple. On utilise Miro pour tout ce qui est feuilles de perso, aide de jeu et tout ça. Je vous mettrai le lien si ça pour que je vous jette un œil, c'est très pratique. Je crois en avoir déjà parlé. Du coup, les joueurs ont bien pris en main l'outil. Ça a l'air de leur plaire et de pas être trop compliqué pour eux. Donc, vamos. Pour tout ce qui concerne les détails de l'univers, on utilise Legend Keeper. C'est un outil, une plateforme pour faire du world building. C'est un peu le même objectif que World Anvil, sauf que c'est beaucoup plus pratique à s'en servir. Et il n'y a pas des fonctionnalités super chères à débloquer. Pour l'instant, les Legend Keeper, son modèle économique, c'est financement par un Patreon. Sachant que si vous financez le Patreon un mois et que vous désengagez, vous continuez à avoir accès à la plateforme. Donc ce n'est pas très onéreux. J'aime beaucoup les Legend Keeper, j'ai toutes mes campagnes dessus et j'adore. Voilà. Je sais que j'en ai déjà parlé, que j'ai dit que je ferai un gros article dessus. J'attends en fait la mise à jour de l'interface qui doit avoir lieu bientôt. Donc bientôt, dans le langage du créateur de Legend Keeper, c'est sans date fixe. Il est très actif, il y a un Discord pareil où on peut avoir plein d'infos, la communauté est très sympa. Et il est tout seul, enfin ils sont deux à développer la plateforme, donc forcément ça, les mises à jour sont assez espacées. Mais il travaille à fond dessus et il vient de se mettre à son compte pour continuer à bosser sur les Legend Keeper. Donc ça laisse présager des mises à jour assez rapides. Voilà, les Legend Keeper, c'est le bien. Sinon, ce week-end, c'était la cyberconvention. J'ai essentiellement écouté les tables rondes. C'était très intéressant. J'ai particulièrement aimé celle sur le dématérialisé dans le jeu de rôle, les PDF, etc. La discussion était super passionnante. Et à l'occasion de cette cyberconvention, il y a eu un cyber bundle de jeux sur Itch.io avec 20 jeux dont au moins 75% des recettes va être versées au Secours Populaire Français. Et ce cyber bundle a dépassé les 3 000 $ et ça c'est super chouette. Dans ce bundle, vous aviez plein de super jeux que j'ai commencé à lire et qui ont l'air très sympa. Et vous aviez deux de mes petits jeux. Alors si mes jeux vous intéressent, ils sont disponibles en Pay What You Want sur Itch.io. Je vous mettrai le lien vers ma page Itch.io si ça vous intéresse. Sinon, je bosse toujours sur mon projet Dédale, mais là, ça a pris un peu de... Enfin, j'y ai pas retouché depuis quelques jours, parce que je me suis lancée dans un truc qui va me demander beaucoup d'énergie. Alors, ce nouveau projet, le projet X, dont le nom de code est Happy Birthday, c'est très simple. C'est le confinement en ce moment. Perso, je ne suis pas confinée, mais mon mari l'est. Et c'est bientôt son anniversaire. Donc je me suis demandé, avec tous les magasins fermés, en général je lui achète un truc. Et là ça va pas être trop possible. Du coup je me suis un peu creusé la tête, voir ce que je pouvais lui offrir. Et j'ai eu une idée, je vais lui créer un jeu. Voilà, je vais lui créer un jeu. Donc c'est le 19 son anniversaire. Donc... J'enregistre le 8, ça me laisse une dizaine de jours pour créer le truc. Donc je suis partie sur un jeu de cartes sur l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est un passionné d'aviation, et il s'y connaît très bien. Et la Seconde Guerre mondiale était une période qui l'intéresse particulièrement. Du coup, j'essaye de combiner tout ça. Alors, mon concept, c'est un jeu à deck building, puisque c'est son truc. Moi, pas trop, parce que j'ai du mal à fabriquer un deck. Du coup, pour l'équilibre, ça va être un peu compliqué. Donc, un jeu à deck building proche de Magic. Le but, c'est de réussir des missions. Je m'inspire donc de Magic et d'un jeu de cartes sur la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Warfighter. Donc, voilà, c'est mes deux inspirations principales. Et un petit peu aussi d'Hearthstone, probablement. Donc le principe, il va avoir quelques cartes de départ. Avec ces cartes-là, il va pouvoir enchaîner des missions de combat aérien. Je pense faire deux types de missions. Duel aérien, enfin, combat aérien, genre interception, combat de chasseur. Et mission de bombardement. Donc, je vais essayer de finir d'abord la mission, les règles pour les missions de chasseurs. Et après, si j'ai le temps, je développerai les missions de bombardement. Sachant qu'idéalement, je voudrais que ce soit jouable donc à deux, ou solo et en campagne. Alors, solo, j'ai pas trop d'idées. Donc, ça sera vraiment si j'ai du temps en plus. En campagne, j'ai quelques idées, du coup, ce sera peut-être le truc suivant. Donc voilà, donc le principe, avec on aura sur la table trois cartes. Et il y aura des cartes centrales un peu façon Texas Hold'em. Donc à son tour, alors pour l'instant, c'est pas encore très très précis, ça fait qu'une journée que j'ai eu l'idée, que j'ai commencé à gratter. On aura une main de cartes, a priori. Des cartes posées devant soi, face cachée, et une fois par tour, on pourra retourner une carte et la mettre en jeu. Au début, on aura trois cartes posées face cachée, et à chaque tour, on peut poser une carte face cachée. À chaque tour, on peut révéler une carte. Une fois que la carte est révélée, on peut l'utiliser. Donc typiquement les cartes ce seront des types d'avions, donc suivant les modèles, etc. Je prévois au moins deux factions et probablement trois, donc France et Allemagne et Angleterre. Sachant que d'abord je veux émuler la bataille de France, donc je vais prendre des chasseurs de la période 39-40 et après faire la bataille d'Angleterre. J'envisage des évolutions de règles entre le chapitre Bataille de France et Bataille d'Angleterre. Mais ça c'est si j'ai le temps, au moins faire faction France-Allemagne. Voilà, les avions, il y aura un nombre limité d'avions qu'on peut avoir dans le deck et qu'on peut poser sur la table. Pour l'instant, je suis partie sur un nombre de cartes de deck illimité. Mais le nombre de cartes dans la main sera limité. Et le nombre de cartes sur la table, je n'ai pas encore décidé si ce sera limité ou pas, mais a priori ce serait limité à 3 cartes révélées. Les avions peuvent avoir des sortes d'améliorations, genre une carte pilote, une carte de munitions qui ne sont pas classiques. Voilà. Au centre, les cartes. Alors j'étais partie pour qu'on puisse piocher les cartes qui sont révélées au centre au fur et à mesure. Mais j'en suis un peu revenue. Je planche pour des cartes événements maintenant, donc faut voir. Nous, ça pourrait être des cartes événements qu'on pioche et qu'on rejoue. Ça pourrait te mettre un peu de tension de savoir qui a pioché quelle carte. Je vais peut-être partir là-dessus, surtout que ça. Je vais voir. Donc, les cartes auront des niveaux de rareté. Et parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir des boosters aléatoires avec le nombre de cartes dedans et la qualité des cartes dedans, face au Magic. Quand on finit une mission, se finit soit qu'on a atteint l'objectif de la mission, soit que le joueur abandonne. En fonction de la réussite, des objectifs remplis ou pas, de la survie ou pas des avions, on gagne de l'XP et cet XP permet d'acheter des boosters de cartes supplémentaires. J'étais parti sur trois paliers de cartes. Communes, cartes rares et cartes extrêmement rares. Je sais pas, sachant que vraisemblablement ce qui va me demander le plus de travail, c'est la création des cartes et leur équilibre avec leurs statistiques. Je suis pas encore pleinement au point sur les statistiques des différentes cartes. Notamment, il faut que je fasse les stats des chasseurs, en quoi ça consiste. Pour l'instant, j'ai quelques éléments qui peuvent les distinguer les uns des autres. Comme la manœuvrabilité, le rayon d'action, voilà, ou la vitesse, ou des choses, les capacités d'attaque, je pense, et la résistance qui sera une sorte de point de vie. On inflige des dégâts à un avion et ça l'élimine, ça le fait. Et dans les cartes qu'on peut les ajouter, je pensais des munitions ou des cartes de pilote, genre les cartes des As. Les As de la Seconde Guerre mondiale. Donc autant que possible, je vais me baser sur la réalité. Les noms des avions seront les vrais noms des avions. Les noms des As seront les vrais noms des As. Donc du coup, je suis en train d'apprendre un tas de trucs que j'avais pas prévu d'apprendre sur l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est intéressant et ça convient bien à mon projet. Sur une page en français sur l'aviation française à cette période est pas mal faite. Il y a notamment les nombres d'escadrilles avec la répartition de leurs avions. Ça va bien m'aider pour savoir quel est le modèle d'avion le plus courant et faire dans les cartes un peu plus rares les modèles qui ont eu moins de succès. Donc voilà, donc ça c'est un gros projet. Je vais pas faire de game jam là dans les 15 jours, hein. Ça va m'occuper suffisamment. Et en fait, le point le plus difficile, c'est que il faut que je crée ça, alors que je peux pas m'isoler pour créer. Il faut que je fasse discret. Alors, il faut pas notamment qu'ils puissent regarder sur mon écran. Parce que je suis obligée de développer le jeu alors qu'il est présent dans la pièce, hein. On a un petit appart. Et voilà. Donc ça, c'est mon gros défi. Pour l'instant, j'ai botté en touche en disant que je faisais un truc jeu de rôle un peu secret, que c'est pour les campagnes où il joue. Du coup, je peux pas lui donner de détails. Je sais pas s'il va voir le truc venir. On est encore au début du projet. Je vous raconterai s'il a découvert le poteau rose avant la fin. Je me suis dit que je ferais peut-être un tuto à suivre sur qu'au début, je lui donne pas le paquet de cartes en lui disant voilà, c'est un jeu de cartes. Je pensais faire un courrier, genre en tête officielle, machin, vous êtes recruté, le pays a besoin de vous pour coordonner sa flotte aérienne, truc comme ça, avec une adresse mail qui dit allez sur tel site. Sur ce site, j'ai configuré un tuto avec Twine, qui est un logiciel pour créer de la fiction interactive. Et je lui montre pas à pas les étapes création d'un deck et jeu. Et à la fin, peut-être je simule un truc aléatoire pour lui octroyer une carte. Ou plusieurs cartes, un premier booster en sorte. Donc ça, c'est idéalement si j'ai assez de temps. Et il faut que je rédige les règles de façon claire. C'est un super projet qui me botte absolument. Et j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, c'est sûr que ce sera le projet qui m'aura demandé le. En tout cas, c'est sûr que c'est le cadeau qui m'aura pris le plus long, le plus d'énergie. Mais bon, c'est une bonne idée. On arrive à la fin de cet épisode. Mais avant de rendre l'antenne, un truc à vous proposer. J'ai beaucoup parlé de Legend Keeper tout à l'heure. Si ça vous intéresse, je mets en jeu trois invitations pour participer à la bêta de Legend Keeper. Ça vous donnera accès à la plateforme et vous pourrez créer les univers, les mondes, les univers que vous souhaitez. Car j'ai un certain nombre d'invitations libres. Et en vous invitant, vous aurez accès à l'intégralité des fonctionnalités et vous pourrez vous-même inviter d'autres personnes. Donc ce sera, vous aurez accès à l'ensemble des trucs. Les personnes que vous inviterez auront elles aussi des invitations. Donc ça peut être faire tache d'huile très rapidement. Du coup voilà, trois invitations. Ce sera premier arrivé, premier servi. Comment obtenir une invitation? C'est très simple. Vous m'envoyez un message privé sur Twitter. Mon adresse Twitter, c'est chrisdoc, donc @KRI2SDOC. Et voilà, et je vous enverrai une invitation. Il me faudra simplement une adresse mail. Voilà, donc si vous voulez participer à ce giveaway, vous me contactez sur Twitter dès que vous avez écouté cet épisode. Avec une adresse mail et je vous enverrai une invitation si vous êtes parmi les trois premiers à m'en demander une. Voilà, je crois que j'ai tout dit et je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.